19-28, observation. Plaire. Mireille trouve Robert sympa. Robert lui plaît. Robert trouve Mireille sympa. Mireille lui plaît. Les Bellot trouvent Robert gentil. Robert leur plaît. Robert trouve les Bellot agréables. Les Bellot lui plaisent. Aussi, je trouve les Bellot agréables. Les Bellot me plaisent. Tu trouves Mireille sympa? Elle te plaît? Nous trouvons Mireille gentille. Mireille nous plaît. Vous trouvez Mireille agréable? Mireille vous plaît?